Quatrième partie, la gloire de Comacho. Cependant, le majordome Hernando, prenant son air le plus confidentiel, s'en vint chuchoter quelque information dans le cou de son maître. Baccio lui fit face comme un automate violent. Elle était partie, déjà partie, et le coureur ne l'a pas rencontrée. Alors elle devrait être ici. Pardon, monseigneur, je ne sais. Chiarina devrait être au milieu de nous. Permettez-moi de m'enquérir. » Assailli de pressentiments, il avait quitté sa chair sans plus attendre. Un flambeau ! La foule redoublait d'impatience. Au fond du vestibule, des poings allègres martelaient la grande porte, et le hortoir frappait en cadence parmi les chansons d'atelier. « C'est ce rassemblement qui l'empêche d'entrer, » dit Faliero Belli. « Gageons plutôt qu'elle est dans le palais, » aventura le duc, « et qu'elle n'ose se présenter devant nous. » Dieu le veuille, Hernando vient. Baccio s'éloigna, portant comme un bouquet de flammes un candélabre à plusieurs branches. Son majordome le suivit, un guichet les escamota. Puis on entendit l'infortuné parcourir sa demeure somptueuse et la bouleverser. Des portes battirent, un rideau craqua, déchiré. Des choses s'en prirent dégringolèrent avec un tintamarre de vaisselle et de casseroles. Hernando, le majordome, poussait des plaintes à chaque désastre. Mais le vacarme d'affolement continuait de plus belle, et le nom de Chiarina résonnait de chambre en chambre, clair ou confus, proche ou distant. Il fut crié dans le jardin, jusqu'au fond, se perdit tout là-bas, et revint plus angoissé vers le palais. Ses appels, en dépit de leur force, étaient noyés parfois dans l'immense clameur d'humanité qui s'enflait perpétuellement. « Chiarina, Chiarina !» et les Baccio. Et le peuple impérieux réclamait « Andromède, Andromède, Andromède !» avec sa voix bariolée. D'autre part, les convives de la scène interrompue se regardaient indécis. Ercole Torrigiani maniait son corps d'ivoire. Les autres émiettaient le pain, tournaient des anaps. Le duc seul, réjoui de la confusion, réprimait à grand-peine son envie de rire. Une idée lui vint qui déchaîna le transport des courtisans. « Musique » ordonna-t-il, « musique !» La compagnie de maître Bridone attaqua le passe-pied favori de son Altesse, et la foule dit répondre par un tumulte de joyeuses séditions. Baccio reparut alors, au creux du cortil, avec son candélabre éteint. Il traversait à la hâte, voulant gagner la porte de la place. Tout à coup, ceux qui l'observaient du haut de la galerie entendirent un choc. Ils virent Baccio s'arrêter brusquement près de l'Andromède et lâcher le candélabre qui roula de la margelle dans le bassin. Le majordome survenant poussa des cris de calamité. « Comment cela s'est-il fait ?» Un bras de la statue venait de se rompre et gisait à terre. On descendit précipitamment, tous, valets, grands seigneurs, musiciens, pêle-mêle. Ils reculèrent sitôt qu'arrivés. L'autre main, se détachant du poignet de bronze, tomba sur les dalles. On ne comprenait pas ce qui se passait. C'était un prodige obscur et détestable. On voyait seulement de grands sillons labourer sans bruit le corps de la statue et la détériorer comme à plaisir. Puis soudain l'outil invisible offensa la noble matière au pli du bras survivant. Et le plus atroce, c'est qu'on n'eût pas dit que ce fût là du métal raviné, mais de la chair lacérée. Jamais le bronze ne s'étant ruiné de cette façon. Oui, de la chair tailladée avec une lame. Oui, avec une lame méchante. Une lame experte aussi, puisque le peintre Falciero le jeune, qui suivait d'un œil épouvanté les progrès de la blessure, croyait voir désosser un coude par quelque anatomiste rompu aux minuties de la dissection, un émule d'Ambroise Paré ou de Michelagnolo. L'avant-bras s'abattit. Ce n'était pourtant qu'un morceau de bronze. Or, la statue démembrée avait l'air d'un bel antique. Sa face immobile et placide contrastait avec la torture qu'elle semblait endurer. Baccio l'enlaça désespérément. Malgré son étreinte, une jambe fut coupée nette, comme une jambe véritable qu'on eût tranchée d'un coup de hache. Et Baccio n'avait rien senti, rien vu, rien empêché. Maintenant, la destruction s'acharnait au bas-ventre avec une fureur érotique. « Il y a de la magie là-dessous, » fit le cardinal. Et s'étant signé, il prononça des formules d'exorcisme. Maintenant, la gorge d'Andromède subissait affront sur affront. « Le Bargello !» s'écria le duc, passablement égaré. « Qu'il vienne ! Justice, justice, Hannibal et Lapo !» Les spadassins se présentèrent. Hannibal était blême et Lapo tremblait. « Courez chez le Bargello !» Pendant qu'il tâchait d'obéir, soudainement on ne s'entendit plus à cause de la foule infatigable qui reprenait. « L'Andromède, l'Andromède, Baccio !» Des milliers de cris soufflaient en bourrasque. Une tempête redoutable exigeait la statue et le statueur. Baccio sent cela. Une lueur naissait enfin. Des rapports s'établissaient. Andromède, portrait, effigie de Chiarina, et la disparition de cette même Chiarina, et les envoûteurs, mon Dieu, il concevait encore que sans précision l'odieuse pratique renversée, l'envoûtement à rebours. Ah, et c'est alors qu'il fut semblable à son propre fantôme, et que ses hurlements éclatèrent si lugubres. « Où es-tu, Chiarina, mon cœur, ma bien-aimée, réponds-moi. Chiarina, Chiarina, courage. Me voici, j'arrive. » Personne n'osa le retenir dans sa fuite. Il ouvrit la grande porte, et Ferrare était là tout entière, et les têtes sans nombre houlaient, et des torches rougeoyaient sur l'océan des hommes. Une ovation satisfaite l'accueillit. « Ah, la statue, l'Andromède !» Mais déjà, les plus rapprochés se taisaient à la vue de ce Baccio qui n'était plus Baccio. Ses yeux fous sondaient l'espace vivant, la nuit maudite. « Laissez-moi passer, » implorait-il. « La statue ! Il n'y a pas de statue, il n'y a pas de statue. C'est Monna Chiarina que je cherche. On la martyrise !» Il appela de toutes ses forces. « Chiarina ! » Devant ses larmes, la terreur et la pitié ouvrirent un passage. Il prit sa course à travers les rues, et ses cris enroués s'enfoncèrent dans l'ailleurs. Quelqu'un le remplaçait sur les marches de l'entrée, silhouette jeune et virile, les mains en porte-voix. « Citoyens de Ferrare, on se moque de vous. L'Andromède de Baccio d'Eliataca n'existe pas. La merveille du monde, je le jure à la face de Dieu, c'est la statue de mon maître, l'Andromède de César et Bordone. » C'était Felipe Vestri qui saisissait l'occasion par les cheveux. Un son nasillard aigu lui coupa la parole. On sonnait du cor à l'intérieur du palais. Signal convenu. Des sbires mêlés aux citadins tirèrent dagues et flamberges. Le guet surgit, et les arquebusiers entreprirent d'écarter la foule. Cela produisit un désordre, à la faveur de quoi des inconnus masqués s'échappèrent du palais dans un escorte de bravi et de gendarmes. Dès leur éclipse, la tranquillité se rétablit. « On vous trompait, » reprit d'un autre côté le harangueur opiniâtre. « Venez voir la statue de César et Bordone, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. » Des voix éparses le soutenaient. « C'est vrai, il a raison. » « Vive César et Bordone !» C'étaient les élèves et les amis de César. Felipe Vestri avait été refoulé sous le porche de la maison voisine. Il aperçut dans l'ombre une tache blanche, un visage livide. Il s'approcha. « Tenez » cria-t-il, et traînant un homme vers l'assemblée, « le voilà. Vive César et Bordone de Comacchio. Vive le Comacchio !» Le peuple était venu pour acclamer, c'est-à-dire pour s'acclamer lui-même en la personne d'un citoyen d'élite. Après la déception que Baccio venait de lui infliger, un âpre besoin de revanche le tourmentait. Le génie de César sauvait son orgueil. Comme une brusque illumination retentissante, mille cris saluèrent le sculpteur du nom de Comacchio. En même temps s'élevaient de nombreux « à la statue, chez lui, chez Bordone, en avant !» et d'une poussée l'entassement reflua vers le héros. Il sentit qu'il fallait marcher, conduire cette multitude. Il se mit donc à marcher, dans la rougeur mouvante des torches, et comme un fleuve impétueux soumis aux lois d'un enchanteur, sa patrie exaltée le suivait. Il se laissait faire. Entouré de ses disciples, ballotté de l'un à l'autre, il avançait à la manière d'un ivrogne qui se raidit. Arriva Bene le soutint. Felipe lui prit le bras. « Vous étiez donc là, mon pauvre maître ? Vous aussi, vous étiez venu pour assister au sacre de Baccio. » Cesare Bordone remua les lèvres sans parler. La foule débordait autour d'eux. On se heurtait. Les femmes surtout désiraient contempler la tête immortelle au profil d'aigle. « Qu'il est pâle, disait-on. La joie, père Baccio, si forte et si soudaine. Il l'a bien gagné, depuis le temps. Ah, l'enragé, il s'est encore battu, voyez sa joue. C'est parbleu vrai. Mauvais coucheur, mais bel artiste. On l'aura griffé dans la bagarre. La joue rayée de quatre griffes rouges, le Comacchio n'entendait rien. Sinon, la formidable marée triomphale, qui porterait son nom jusqu'aux suprêmes postérités. Il essayait de sourire et garder un front sévère. Il avait l'impression d'aller vers l'avenir en marchant dans la rue. Grâce aux torches et la nuit aidant, cette rue perçait un défilé plein d'écarlate et de noirceur, tapissé or, semé de trous. Et Cesare Bordone regardait devant lui comme un homme qui a des visions de gloire et d'horreur.